là. Ça fait longtemps que je la regarde et elle me suit et je la garde. Oh. Couché sur un banc, je regarde les étoiles. Le ciel est bleu ce soir, on pourrait faire une toile. Je me souviens de soirées en été, de soirées à la mer où j'étais bien grisé. On se couche et on contemple les constellations. C'est une vraie relation. Il faut penser à l'immensité qui nous entoure, comme un lac profond, le vertige de tout. Le chant des vagues, des dunes inquiétantes, des plantes rassurantes, nous dormons sans notre tente. On se couche et on contemple les du long, c'est une vraie relation. Je suis en diapason, c'est l'heure de cette chanson. La casserole à ce rôle.